Ici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport en parlant des Saguenayens de Chicoutimi, des Saguenayens qui ont gagné par la marque de 3-1 hier contre la formation du Drakkar. Ça s'est déroulé à Bécomo. À noter que Matthew Newberry a marqué un but et a amassé une passe dans la rencontre. Et aussi, dans le match aussi, Alexis Potvin-Gaboury a marqué un but. Et demain, que Michael Pellerin. Jérémy Fortin de Dolbeau-Missassini est en action pour les Sags. Il a été blanchi demain que Jean-Simon Bélanger de La Dorée, qui lui aussi a été blanchi. Autre match hier dans la Ligue de hockey junior du Québec qu'on surveillait. Les Cataractes de Shawinigan ont battu les Tigres de Victoriaville par la marque de 4-1. Et dans le match, à noter que Samuel Girard de Robertval a marqué un but et amassé une passe. Et puisqu'il est question des Saguenayens, hier on a parlé à l'attaquant Missioum Awashish, qui était un choix de 4e ronde. Des Saguenayens, il est natif de Mastouillage. Et Awashish mentionne que ça va très très bien pour lui au camp des Sags. Ça va super bien. Premièrement, juste la nouvelle chambre, les installations, tous les services qu'on a, tout l'entourage, l'équipe, les dirigeants, puis les membres du personnel, tout ça, tout est vraiment super. On est vraiment bien traité. Ça, ce niveau-là, j'ai rien à dire. Puis même sur la glace, c'est le fun, l'ambiance est bonne entre les joueurs. Puis pour moi, personnellement aussi, mon camp va très bien. Je suis satisfait de mon travail. Awashish a été placé dans des conditions gagnantes. Puis c'est sûr que moi, je vois ça du côté positif. Écoute, c'est sûr que dans le camp, je vous dis, tu sais, il n'y a pas de première, deuxième, troisième ligne, les trios roulent. Ouais. Puis je touche toutes les unités, je vous dis, unité spéciale, que ce soit powerplay piqué. Après ça, j'ai eu du bon tas de jeux. Pour les games, au camp des recrues, j'étais sur le powerplay, j'ai fait le tour aussi sur le désavantage numérique. Puis ensuite, c'est ça, je fais vraiment le tour. On voit qu'il y a des choses, puis je fais partie, il brosse la soupe. Là. Je suis un ingrédient dans la soupe. Là. Des élites de Jonquière, maintenant, ils ont annoncé que Steve Thériault sera de retour avec l'équipe pour les prochaines années. Celui qui était entraîneur-chef ou un meilleur entraîneur aurait signé une entente jusqu'en 2019-2020. Et le directeur général Daniel Neptune également demeure en poste. Mais Arnaud Dubé, qui était entraîneur-chef des Espoirs Bantam 3, lui, ne sera pas de retour avec l'équipe. On vous en a parlé amplement au cours des derniers jours. Le monde, le hockey mineur de Dolbeau-Missassini a perdu l'un de ses grands bénévoles de son histoire hier. On sait que Jean Ouellet est décédé au cours des derniers jours. Et hier, dans la section entrevue de danadiosport.com, on a parlé avec Paul Ménard, qui a très très bien connu Jean Ouellet. Et il rapporte la contribution que Jean Ouellet a fait pour le hockey mineur de Dolbeau-Missassini. À ce temps-là. Puis c'était lui qui s'occupait de nous au niveau des services, les serviettes. Puis on demandait n'importe quoi, puis c'était des gens qui étaient toujours là pour nous donner un coup de pouce. Puis avec les années, on s'est jamais trop laissé. Il était dans une organisation, moi j'étais dans un autre, puis des fois on avait des écoles de hockey. Hop, j'y arrivais toujours pour aider les joueurs. Il y en a qui manque un bâton, ben j'allais le chercher. Puis après ça, au niveau Bantam, au début des années 2000, moi je l'ai vu gérant avec justement Yvon Mescott qui était instructeur, puis Jean était un soignable. Okay. Puis on a eu encore beaucoup de plaisir cette année-là, puis on lui demandait n'importe quoi, c'est pompier, puis Jean avait, il nous revenait des fois, il nous racontait. Dans un deuxième temps, Paul Ménard mentionne que les jeunes étaient gâtés avec Jean Ouellet. Je viens de toucher une population de maintenant 25 ans. Ces jeunes-là sont rendus peut-être à 25, 26 ans. Ils se souviennent très bien des actions de Thomas. Puis ceux-là qui ont passé dans le Bantam, c'est des jeunes. Donc, ça veut dire qu'ils passaient les frères Bantam, passaient du Bantam au Midget, puis c'était les deux frères encore qui étaient tout le temps là. Puis moi, j'ai eu connaissance souvent que les joueurs, les instructeurs demandaient aux joueurs quand ils arrivaient dans une partie de défaire le sac pour que l'équipement puisse sécher. Puis les frères voulaient pas parce que c'était eux autres, pour eux autres, c'était dans leur tâche. Donc, quand les joueurs arrivaient à la pratique le mardi suivant, quand ils avaient joué, on va dire, le dimanche, les équipements étaient tout secs. C'était tous les frères, les deux frères qui, eux autres, avaient accroché les équipements aux endroits où il fallait que ça soit sec. Donc, les jeunes étaient vraiment gâtés avec... Rappelons que les funérailles de Jean Ouellet seront célébrées vendredi à Normandin, au complexe funéraire de l'endroit. Parlons maintenant de Sophie Chiasson. Sophie Chiasson qui est une femme de Dolbeau qui a réussi son triathlon en fin de semaine au Mont-Tremblant. Elle a terminé au 69e rang